réveil sonne. Tu ne bouges absolument pas. Tu restes dans ton lit. Tu refermes les yeux. Comment 6 heures? Nous sommes le vendredi 15 janvier 2016 et vous êtes de plus en plus nombreux à vous réveiller avec France Culture. Merci beaucoup. Un autre jour est possible, votre réveil culturel jusqu'à 6h30 avec au programme, en première partie, notre série consacrée à Charlie. Charlie, un esprit français par l'historien Jean-Pierre Mercier. Dans un instant, le 5e et dernier épisode. Et puis en deuxième partie, comme tous les vendredis, nous parlerons de l'actualité de la bande dessinée. Et on reste dans l'histoire et dans l'esprit de Charlie puisque je recevrai Serge Lehmann, scénariste d'une bande dessinée qui parle, elle, de l'esprit du 11 janvier, une enquête mythologique parue aux éditions Delcourt. Un autre jour est possible, c'est parti tout de suite, Jean-Pierre Mercier, notre tête chercheuse de la semaine. Charlie, un esprit français par l'historien Jean-Pierre Mercier, par ailleurs conseiller scientifique à la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême. Aujourd'hui, 5e et dernier épisode, le symbole et les martyrs. Bonjour Jean-Pierre Mercier. Bonjour. Alors, on a parlé de la relance de Charlie Hebdo en 92, par la volonté de Cabu d'ailleurs, essentiellement, parce qu'on était en pleine guerre, la guerre du Golfe. On a vu comment une nouvelle génération va s'installer, c'est-à-dire il y a plus Choron, il y a plus Delfeuille de Ton, il y a plus les deux piliers, mais il va y avoir une nouvelle génération d'auteurs, Char, Ptinius, Luz, Riss, Philippe Val. Et puis, comment cette histoire va-t-elle continuer? Alors, c'est intéressant de parler de Delfeuille parce que on bat le rappel de l'ancienne équipe. Delfeuille va venir comme tous les autres, et puis il va pas supporter cette nouvelle formule et cette nouvelle équipe et cette nouvelle organisation. Très clairement, il supporte pas Philippe Val. Il reste quelques numéros, il s'en va. Et il le dit. Il dit, moi, je reste pas là. Il y a des débuts de tension, voilà. Mais bon, ça, tout le monde y va. Ce qui est intéressant dans ce journal, c'est qu'on a des nouvelles plumes. La Grosse Bertha avait fait venir des gens comme Billard. Il y a eu quelques écrivains, Frédéric Pagès, qui est ensuite passé au Canard Enchaîné, quelques autres comme ça. Il y en a quelques-uns qui restent, qui sont des bonnes plumes. Mais surtout, il y a une nouvelle génération de dessinateurs que vous avez cités, Luz, Charbe, Riss, Catherine Meurice. Enfin, il y a des gens comme ça, Honoré, qui est un petit peu plus âgé. On peut pas dire que c'est un jeune dessinateur, mais qui apparaît dans La Grosse Bertha et qui va rester dans la nouvelle formule et qui est un dessinateur formidable de mon point de vue. Et donc, il y a cette continuation de l'esprit Charlie, dans mon point de vue, plus dans le dessin, plus dans les couvertures, plus dans les pages de dessin que dans les textes. Et il y a un problème avec les textes, on peut le dire, Jean-Pierre Mercier. Bah, c'est-à-dire que on est passé de gens qui étaient des authentiques, les authentiques créateurs de l'affaire. Alors, Cavana est toujours là, il sert un peu de caution morale quand même, il écrit des textes, et il y a quand même un malaise grandissant par rapport à tout ça. Il y a Caroline Fourest, enfin, il y a un ensemble de gens, et il y a une ligne qui se dégage, qui va commencer à poser des problèmes, y compris en interne. Moi, je sais, pour en avoir discuté quelques fois avec quelques... Je me souviens d'avoir fait un repas avec Charbe, qui n'est plus là maintenant pour en parler, hélas, il faisait part très clairement de ses problèmes par rapport à un certain nombre des éditos de Val, par exemple. Et donc, ça, c'est des histoires qui étaient déjà vraies dans le premier Charlie Hebdo, mais qui semblent plus difficiles à gérer dans cette nouvelle formule. Donc, ça va vaille que vaille. Il y a quand même l'affaire des caricatures de Mahomet, qui est quand même l'événement qui va amener à cette tragédie finale du 7 janvier, parce que c'est un journal scandinave qui, pour voir jusqu'où on peut aller, va décider de faire des caricatures de Mahomet, qui sont, alors de mon point de vue, pas des bons dessins. pas terrible. Quand on les regarde, c'est pas drôle, c'est pas, Non, mais vraiment... le débat qui va se poser au sein de l'équipe, c'est est-ce qu'il faut reprendre ces dessins au nom de la liberté, et une liberté tout à fait légitime chez, dans une équipe comme l'équipe de Charlie, qui ne s'est pas gênée avec les autres religions, ou est-ce qu'il faut prendre en considération le support qui a publié en premier ces dessins, et c'est plutôt un journal pas très sympathique. Ouais, on est d'accord. Et alors, la ligne qui va triompher, on peut triompher, c'est effectivement la liberté de la presse avant tout, même si on n'est pas d'accord avec les idées défendues par ce journal, il faut reprendre les dessins, qui est la ligne de Val et de quelques autres. Ces journaux vont paraître, ça va être une réaction extrêmement violente, il va y avoir des tentatives un incendie des locaux, avec moi je me souviens de l'avoir vu et ça m'avait beaucoup frappé, Charbe qui, Val je sais plus qui défendait cette ligne, et puis d'autres dessinateurs qui étaient quand même beaucoup plus nuancés en disant ouais, ça pose peut-être un problème quand même. Donc voilà, c'est ça qui va peut-être identifier dans l'esprit de certains, Charlie, comme un journal qui a un problème avec l'islam. Alors que, on l'a dit, mais quand on regarde les unes et même le contenu, l'islam n'est qu'une toute petite partie de ce qui agite l'équipe de Charlie Hebdo toutes les semaines. On parle plus facilement de Chirac, de Sarkozy, de Mitterrand, de je ne sais quel premier ministre, de je ne sais quel président des États-Unis, etc., etc., que spécifiquement de l'islam. C'est pas une obsession, mais ça revient. Mais ça va marquer quand même le journal de ce côté-là. Et pour une partie de la société française, ce journal est un journal qui a un problème avec l'islam. Ce qui est pas, de mon point de vue, pas vrai, parce que la ligne d'Harakiri et de Charlie Hebdo, première ou deuxième formule, ça a toujours été une ligne laïcarde, on peut même dire. C'est-à-dire, les religions, on est contre, il y a une séparation de l'Église et de l'État, la loi de 1905. Et il faut être parfaitement clair là-dessus et le dire et le redire. Mais les temps ont changé, les perceptions ont changé, c'est plus du tout la même époque. Et on va arriver jusqu'à des choses assez violentes, donc les incendies des locaux et des vraies menaces. Et avant même les attentats, on sait que certains des membres du journal avaient des gardes du corps. La preuve, il y a des gardes du corps qui sont morts dans les attentats du 7 janvier, hélas. Et donc ce journal est dans une espèce de période où idéologiquement c'est compliqué d'arriver à se placer. En plus, il y a un brouillage complet des lignes le jour où Philippe Val en 2009 quitte le journal pour prendre la direction de France Inter à la demande sous Sarkozy, très clairement. Donc là, c'est un peu une surprise. Il y a un sentiment de trahison chez un certain nombre des membres de l'équipe et chez beaucoup de lecteurs, ça j'en suis sûr. Et donc on est dans cette espèce de trouble qui ressemble à l'époque et qui dit à l'époque, il y a aussi des histoires d'argent. Alors, le journal est en perte de vitesse, perd de l'argent. C'est pas un mystère de dire que Charbe, qui est devenu le rédacteur en chef après le départ de Philippe Val, courait partout, tout le temps pour essayer de trouver des moyens de financer ce journal, parce qu'ils avaient de moins en moins d'abonnés, et les ventes étaient, je crois que c'était 30 000 ou 40 000 exemplaires. Enfin, c'est tout à fait ridicule par rapport à ce qu'on a pu connaître, comparé à la grande époque, quand ça vendait 300 000, 400 000 exemplaires. Alors, il y a la crise de la presse, mais malgré tout, c'est quand même un journal qui, petit à petit, perd son lectorat. Et ça arrive donc jusqu'en janvier 2014, où là, le journal, et on tente de mettre fin au journal en tuant les gens qui le font. Et la réaction que j'ai trouvée, moi, personnellement extraordinaire de l'équipe, c'est de se dire, on va repartir quand même, et de repartir. Et il me semble complètement évident qu'on est quand même dans une nouvelle autre période, clairement. Comment elle s'annonce, cette nouvelle période ? Très sincèrement, je ne sais pas. Parce que il y a eu une sympathie, on a parlé de l'esprit Charlie, mais il y a aussi une sympathie pour le journal. Ils ont eu un nombre d'abonnés, des gens qui se sont remis à acheter le journal, et ils sont dans une certaine sécurité de ce point de vue, une sécurité financière, une sécurité des moyens. Mais est-ce que l'époque, avec la suite, malheureusement, des attentats qu'on a pu voir en France, et pas uniquement, on est en train de, me semble-t-il, de changer d'époque par rapport à ça. Et est-ce qu'un journal comme Charlie peut accompagner ou suivre ce changement? Ça, c'est une autre question. Moi, je ne suis pas devin de ce point de vue-là. Vous le lisiez, Charlie, ces dernières années, Jean-Pierre Mercier, pour terminer cette série? Professionnellement, oui. Je le regardais de temps en temps. Moi, j'ai toujours été un grand fan de Luz et de Catherine Meurice et d'Honoré, de quelques dessinateurs comme ça, de Riss aussi, enfin de tous. Les textes m'intéressaient peut-être un petit peu moins. Mais c'est peut-être aussi parce que je pense que Charlie Hebdo, ça correspond... Je crois que les lecteurs, c'est beaucoup des adolescents. Et il y a longtemps que je ne le suis plus. Mais moi, je m'intéresse au dessin, je m'intéresse à la bande dessinée, je m'intéresse au dessin d'humour. Donc je suivais. Puis il y a une petite... pas une petite nostalgie, mais une tendresse pour un journal, moi, qui a été extrêmement marquant pour moi quand j'étais gamin, vraiment. Ça m'a beaucoup formé, beaucoup influencé. Et j'ai une dette envers tous ces gens-là, clairement. Charlie, un esprit français, c'était une série avec l'historien Jean-Pierre Mercier. Vous pouvez réécouter toute la série désormais en passant par franceculture.fr. Tout est à votre disposition, l'écoute en ligne ou le podcast à la page de l'émission Un autre jour est possible. Merci beaucoup Jean-Pierre Mercier. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes par ailleurs conseiller scientifique à la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême. Un autre jour est possible, par Toufik Hakem, tous les matins sur France Culture. Et maintenant, l'invité culturel. Et comme tous les vendredis, l'actualité de la bande dessinée en deuxième partie d'Un autre jour est possible. Et pour rester dans l'esprit Charlie, on va vous parler d'une bande dessinée éditée par Delcourt qui parle, elle, de l'esprit du 11 janvier. Bonjour Serge Lehmann. Bonjour. Vous êtes le scénariste de cette bande dessinée par Jess. Oui. Merci Jess, d'ailleurs, de nous avoir laissé un dessin pour l'émission à retrouver sur franceculture.fr à la page d'Un autre jour est possible. Alors, comment passer de l'esprit Charlie à l'esprit du 11 janvier? Est-ce qu'il s'agit du même esprit, Serge Lehmann? Non. L'esprit Charlie est une part de l'esprit du 11 janvier. Il faudrait déjà le définir, cet esprit du 11 janvier. C'est pas si simple. À la fin du livre, je donne une phrase que je cite pas exactement, mais qui dit en gros paix, tristesse, fierté d'être là, besoin de faire bloc, c'est ça. Bon. Moi, ce que j'entendais au départ explorer, c'était, on pourrait presque dire, l'émotion civique du 11 janvier. Or, Charlie et émotion civique, c'est pas forcément des choses qui vont spontanément ensemble. Parce que Charlie, c'est quand même le fer de lance d'une très vieille tradition de la contre-culture française qui joue avec les pouvoirs, qui les agace, qui les met dans des situations inconfortables, qui les parodie, qui se moque d'eux. Et c'est votre définition de l'esprit Charlie ? Bon, j'ai pas de définition de l'esprit Charlie, mais quand je pense à Charlie Hebdo, quand je pense à Charlie, la première chose qui me vient, c'est cette très longue tradition de rire des pouvoirs qui est caractéristique de la, disons, de l'esprit public français. Donc, c'était présent le 11 janvier. C'était présent comme une revendication. Ce qui était, quand les gens disaient je suis Charlie, ou quand les manifestants ont fait, pour ainsi dire, cercle autour des survivants, c'était une manière de dire, c'est quelque chose de très précieux à quoi on tient. Et qui fait partie de l'esprit public en France. Mais dans la marche du 11 janvier, il y avait aussi une dimension civique, une dimension d'adhésion. Alors pas forcément au pouvoir, mais à la collectivité, à la nation éventuellement. C'est une problématique qui est venue ensuite très fort, je trouve, pendant l'année. Et encore plus fort après les attentats de novembre. Et là, on est assez loin des terres de Charlie classiques. Sauf que cette bande dessinée, l'esprit du 11 janvier, remise à l'éditeur un 12 novembre, oui. Elle commence plutôt mal, parce que elle commence 6 mois après la grande manifestation du 11 janvier, et vous dites d'emblée, Serge Lehmann, il ne reste plus rien de cet esprit du 11 janvier. Oui, j'ai écrit le livre cet été, enfin l'été dernier, 2015. Vous mettez même en scène le fait que les gens aient tourné cette page. Oui, parce que au moment où je l'ai, au moment où j'ai commencé à sentir le besoin irrépressible de l'écrire, c'est-à-dire au printemps, il était déjà évident que ce qui s'était produit en termes d'esprit public le 11 janvier était en train de s'évanouir. De toute façon, c'était d'une certaine manière programmé. C'est-à-dire que dès le 13 ou le 14 janvier, il y avait déjà des journaux qui titraient « Le 11 janvier est-il déjà mort ?» Bon, c'est l'espèce de spécialité française de détruire et de discréditer aussitôt des événements comme ça. Comment dire, on a vu assez vite arriver. Oui, mais tout le monde n'y était pas. Les oui, mais tout le monde n'y était pas. Oui, mais ces gens vivent dans un monde de bisounours, etc., etc. Bon, mais moi, j'ai trouvé cette tendance à tourner aussi vite la page, absolument à la fois incroyable et très difficile à accepter, parce que j'avais vécu le 11 janvier avec une intensité qui m'a surpris moi-même, d'ailleurs. Et j'étais fondamentalement d'accord avec, disons, les commentaires qui inscrivaient la marche dans une constellation d'événements fondateurs de l'esprit républicain, que ce soit la fête de la Fédération, l'enterrement de Victor Hugo, la libération de Paris. Et il y avait quelque chose d'incroyable à se dire, ah bon, on a vécu un événement de cette magnitude-là, et trois mois plus tard, il n'en reste rien. Il n'a pas redécoupé le champ politique, il n'a pas redistribué les cartes, il n'a pas soudé la nation, au contraire, les politiques l'ont fragmenté en slogans électoraux ou accusations de bon. Et donc il était déjà plus possible, quand j'ai commencé à écrire l'été dernier, de se référer à l'esprit du 11 janvier sans avoir l'impression en fait d'adhérer à Valls ou à Hollande ou de prendre parti dans le champ politique classique. Mais moi je trouvais que c'était une corruption, une dégradation très très rapide, quoi, de ce qui était arrivé. Et donc le fait d'écrire le livre, c'était aussi une manière d'enregistrer l'événement, y compris dans sa dimension civique, républicaine, de ne pas l'abandonner complètement au champ politique traditionnel. Voilà. D'où le sous-titre, une enquête mythologique. Oui, alors ça, c'est peut-être une déformation professionnelle. Je suis quelqu'un qui vient du fantastique et de la science-fiction, et donc ce sont des formes culturelles contemporaines qui ont beaucoup à voir avec le mythe, qui procèdent avec les matériaux du monde contemporain, comme Homère autrefois, on va le dire, voilà, qui les mettent en scène de façon à ce qu'elles disent quelque chose du monde contemporain. Donc quand on pratique beaucoup ces genres, comme lecteur et encore plus comme auteur, on finit par avoir un regard un peu aiguisé dans ce sens-là, c'est-à-dire que on scrute l'actualité, et il y a toujours à l'arrière-plan un système de surveillance mentale qui cherche les choses qui vont faire mythe. Voilà. Et la marche du 11, pour moi, elle s'est tout de suite inscrite dans ce registre-là. C'est-à-dire, j'ai eu l'impression d'assister, de prendre part, en fait, pas seulement d'assister, mais de prendre part à un événement mythologique. Et alors, qui ressortit à la fois de la mythologie politique française, ce qui a été souligné très très vite par les observateurs, mais aussi à des choses plus obscures et plus délicates à analyser. Et peut-être qu'ils ne doivent pas être analysés, qu'ils peuvent être simplement racontés. Alors, vous les rassemblez, ces détails troublants, ces coïncidences. Et c'est vrai qu'il faut rappeler que le jour des attentats contre Charlie était le jour prévu pour la sortie de Soumission de Michel Houellebecq. Mmh. Et vous faites le rapprochement. Oui, je suis pas le seul à l'avoir fait. Évidemment, tout le monde a été frappé par la coïncidence, mais la coïncidence est un matériau un peu ingrat, c'est-à-dire on s'en amuse une minute, c'est comme une décoration sur l'actualité. Et puis ensuite, on l'oublie parce que c'est pas significatif de quoi que ce soit dans un monde qui ne croit pas au destin. La coïncidence, c'est juste une chose un peu comme ça, amusante, curieuse, qu'on utilise pour décorer. Mais moi, je trouvais que la coïncidence était... D'abord, il n'y avait pas qu'une coïncidence, il y en avait trois. Trois le même jour. Et qui, toutes les trois, jouent un rôle extrêmement significatif dans le déroulé des événements, disons, qui vont du 7 janvier, jour de l'attentat, jusqu'au 14 janvier, jour de la parution du Charlie des survivants, qui, d'une certaine manière, clôt la semaine. La première coïncidence, c'est évidemment que... Le choc est atténué parce qu'on en parlait déjà depuis un mois et demi de ce fameux livre de Houellebecq qui arrivait. Il y avait eu les bonnes feuilles, il y avait des débats tous les jours. Soumission, le titre était très violent. Donc voilà, on était déjà dans un débat un mois avant la sortie du livre. Donc quand le livre est sorti, finalement, on savait déjà tout ce qu'il y avait dedans. Enfin, d'une certaine manière, il n'y a pas eu le choc de la parution comme si on n'avait pas été prévenu. Il n'empêche que c'était ce jour-là que paraissait Soumission de Houellebecq. Et donc, cette fameuse une de Charlie, et donc, avec Houellebecq, qui absolument. Dit en 2015, je perds mes dents, en 2022, je fais le ramadan. Voilà. Ce qui doit être la première fois dans l'histoire de Charlie que la une est consacrée à Houellebecq. Ce qui est significatif aussi. On était face à une conjonction, disons, sortie du livre et une de Charlie qui était remarquable. Et le troisième coïncidence, c'est que la une était dessinée par Luz et que ce jour-là, c'était l'anniversaire de Luz. Et qu'il est arrivé en retard au journal et que c'est pour ça qu'il a échappé aux frères Kouachi. Que les frères Kouachi, qui eux devaient, si j'ai bien compris ce que j'ai lu des différentes enquêtes de police, s'étaient donné comme seule consigne d'attaquer un mercredi, parce que c'était le jour de la réunion de rédaction, donc le jour où il y avait le plus de chances de faire de dégâts. Ils auraient pu attaquer n'importe quel mercredi, mais ils ont attaqué celui-là qui est un jour triplement significatif. Donc c'est très difficile de se dire explorons les significations de cet événement ou de cette chaîne d'événements sans tenir compte de cette incroyable conjonction. C'est un peu comme si en plus il se trouve vraiment que le livre de Houellebecq traite de la situation qui arrive, c'est-à-dire qu'elle décrit une France en état de guerre civile larvaire entre islamistes et identitaires avec des incidents de type pré-guerre civile pendant une campagne présidentielle ou entre les deux tours de la présidentielle. Donc c'était pas juste Houellebecq, c'était Houellebecq après 10 ans après Plateforme qui avait déjà en plus provoqué un choc de type coïncidence parce que Plateforme était sorti 3 jours avant le 11 septembre. Là, il remet ça, il refait un livre sur les rapports conflictuels entre l'islam et la société occidentale. Et à nouveau, il y a un attentat. Donc, il y a une espèce de sentiment que, à partir de cet instant, les choses ont un sens. C'est un peu comme si on nous disait ça. Regardez bien ce qui se passe, parce que tout est significatif, là, à partir de maintenant. On a un peu cette impression-là quand on rassemble les événements. Et alors, quand on rassemble ces événements, Serge Lehmann, on ressort avec quelle conclusion? On ressort avec quelle conclusion? On ressort avec la conclusion, avec une double conclusion, en tout cas en ce qui me concerne. La première, c'est que le livre de Houellebecq, bien sûr, c'est une anticipation. Lui, quand il décrit son processus mental, il en parle sous forme de projection. Donc il fait ce qu'on font les auteurs d'anticipation. Il prend une tendance, il l'amplifie, il regarde ce que ça peut donner à échéance. Mais il se trouve que à la fois dans son personnage, dans son ton et dans la façon dont les médias relaient son travail, la plupart du temps on confond projection et prophétie. Il y a un côté prophétique chez Houellebecq et plus encore depuis qu'il a pris cette allure absolument digne d'Antonin Artaud où ça devient comme ça une sorte de voix sépulcrale qui annonce la destruction de la société. Il y a un côté prophète de malheur chez Houellebecq qui est très puissant dans la séduction et dans le magnétisme qu'il exerce. Donc, il fait une prophétie, Houellebecq. Il fait une prophétie qui concerne plus, à mon avis, si j'ai bien lu son livre, l'élite française. Enfin, disons qu'elle est moralement et politiquement invertébrée, qu'elle se couchera devant le premier pouvoir un peu costaud venu. Bon. Mais son propos entraîne toute la société avec lui. Or, sa prophétie, pour l'instant, est erronée. Et c'est l'un des deux enseignements que je tire de la séquence Charlie, c'est que Houellebecq a prophétisé un effondrement civique de la société en disant « La République s'est terminée, plus personne n'y croit, il n'y a plus que la recherche égoïste du profit personnel, tout ça s'effondre, enfin c'est la prolongation du travail engagé depuis Extension et Domaine de la Lutte, et là qui s'étend jusqu'à la nature même de la société. » Et donc il fait cette prophétie ou cette projection, et en fait les événements lui donnent tort. Donc Houellebecq peut avoir tort. C'est un premier facteur d'optimisme qu'on peut tirer de la séquence d'événements, c'est que ça a été dur et ça a à nouveau été dur en novembre. Et finalement, moi je trouve que la société répond globalement très bien, quoi, se tient très bien. C'est la première chose. Et la deuxième chose, mais celle-là elle est plus d'ordre intellectuel voire esthétique, elle est que J'ai pas forcé le trait sur les sept événements que je rassemble dans le livre, mais si j'avais voulu faire un texte religieux sur ces sept événements, j'aurais pu le faire. D'ailleurs, il faut le comprendre ainsi, le titre de votre bande dessinée, L'Esprit. Absolument. L'Esprit du 11 janvier, ouais. Ah oui, c'est un, j'insiste, je dis dès le début, en rappelant la phrase de Mitterrand, je crois aux forces de l'esprit et je ne vous quitterai pas. Mais il suffit de penser au Saint-Esprit. Enfin, voilà, l'esprit est une notion d'origine religieuse. Dans l'histoire de l'anthropologie, l'esprit ne vient pas comme ça. C'est un mot et un concept qui arrive à une certaine époque, dans un certain contexte civilisationnel donné, avec un certain texte donné. Bon. Et donc, qu'une telle séquence d'événements comme ça ait un tel potentiel religieux et que personne n'en fasse rien, c'est peut-être ça qui m'a le plus étonné. Au fond, c'est qu'il n'y ait pas un religieux quelque part qui dise quand même, mais voilà une histoire incroyable où on frappe une société et où elle décide, un, de ne pas se venger, deux, de pardonner, de se comporter comme une personne morale, disons. Et trois, de ne rien céder. Et trois, de ne rien, tout en résistant moralement et justement à la pression et en refusant de céder sur les principes. Même sans parler du folklore interne, disons, de la séquence de janvier qui est l'anniversaire de Luz, etc., etc., on peut se dire qu'on a vu le meilleur de l'homme. Bon, et donc, personne dans le monde, aucun religieux ait pu se dire, il y a eu un instant de grâce, là, un peu étonnant, qu'il faudrait regarder de près, parce que peut-être ça dit quelque chose des formes du religieux contemporain, d'un religieux, y compris d'un religieux athée impliquant l'humour, enfin voilà, puisque la... Demain, je conclure avec vous, Serge Aymal, que s'il ne reste rien de l'esprit du 11 janvier, le plus important, c'est que est resté finalement. En fait, il ne reste pas rien de l'esprit du 11 janvier. Et c'est les événements de novembre qui nous l'ont appris. C'est-à-dire que c'est vrai que quand j'ai écrit le livre, moi je l'ai écrit sans jamais me poser la question de... Il va y avoir d'autres attentats et bon, je l'ai écrit sans me poser la question. Je partais pas du principe qu'il n'y en aurait pas. Et énième coïncidence, vous remettez donc vraiment le 12 novembre. Le 12, Jess a rendu sa dernière page le 12. C'est le dessinateur. Ouais. Voilà. Et le 13, les attentats ont eu lieu. Et pour répondre à votre question précédente, finalement, on a vu à partir du 13, aussi bien dans l'opération Porte Ouverte que les monuments, les fleurs, les bougies. Le refus d'obéir au couvre-feu, enfin cette espèce de comme ça de mélange de comportement civique et de défis aux autorités, mais le tout dans, je trouvais que c'était une forme qui rappelait le 11 janvier, même si ça ne se traduisait pas par une grande marche. Voilà. Merci Serge Aymal. Vous pouvez désormais podcaster l'intégralité de la série de Jean-Pierre Mercier, l'historien de la bande dessinée consacrée à Charlie, un esprit français, ou réécouter l'interview de Serge Aymal en passant par franceculture.fr. On passe au générique et c'est notre invité de ce matin, Serge Aymal, qui nous fait le générique de fin. Avec plaisir. C'était Un autre jour est possible, votre réveil culturel, une émission de Toufik Hakem pour ceux qui se lèvent tôt et qui écoutent la bonne radio. L'élève Pato peuvent écouter ce programme en s'abonnant au podcast de l'émission disponible sur franceculture.fr. Et j'oublie qu'Un autre jour est possible a été préparé avec Anaïs Isebert, Pascaline Bonnet, Thomas Duterre et Bruno Mourland. Aujourd'hui à la technique, merci beaucoup Serge Aymal. On se retrouve lundi avec une nouvelle série consacrée aux rebelles dans l'industrie du film hollywoodien. Ce sera avec l'historien universitaire Jean-Philippe Coste. Dans un instant, l'actualité sur France Culture. Passez une bonne matinée, un excellent week-end et à lundi.